Merci Mathieu Garrigou-Lagrange et à demain. Il aura fallu attendre un siècle avant qu'une solution marginale aux équations de la relativité générale d'Einstein ne s'incarne dans une image qui a fait le tour du monde et qui confirme l'existence physique bien réelle des trous noirs. Pourtant, au départ, peu de monde croyait à l'existence de cet objet cosmique duquel aucune matière, aucune information ne peut s'échapper, ou presque. Et s'il en allait de même pour les trous blancs, sorte de jumeaux inverses des trous noirs, les trous blancs seraient des astres qui expulsent la matière sans jamais en absorber, des objets hypothétiques mais qui convainquent de plus en plus d'astrophysiciens et qui recèleraient quelques intéressantes réponses à certains mystères du cosmos. C'est troublant, troublant, c'est le programme lumineux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette passionnante hypothèse, nous avons le plaisir de recevoir deux éminents chercheurs dont les voix ne vous sont pas inconnues, vous qui êtes des auditeurs fidèles de la méthode scientifique en ce début de quatrième saison, et que nous sommes donc ravis de recevoir aujourd'hui. Bonjour Carlo Rovelli. Bonjour, vous êtes. Eh bien, nous, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes avec nous en duplex depuis Lisbonne. Vous êtes directeur du groupe de recherche en gravité quantique au Centre de physique théorique de Marseille-Lumini, auteur notamment de L'Ordre du Temps, cette audition Flammarion, dont vous étiez d'ailleurs venu nous parler à ce micro. Et bonjour, Éric Gourgouillon. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au laboratoire Univers et Théorie de l'Observatoire de Paris et de l'Université Paris Sciences et Lettres. Mais avant de vous retrouver l'un et l'autre, une nouveauté donc, pour cette nouvelle saison qui s'engage, un journal des sciences tout frais chaque jour en début d'émission avec l'indispensable Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et le sujet du jour, pour commencer, bien les stéréotypes de genre ont la peau dure, même dans les sciences. C'est l'objet d'une étude qui est parue hier dans la revue Nature Human Behavior. Pour rappel, les femmes restent sous-représentées dans ce secteur, toutes disciplines confondues. Un chercheur sur trois et une chercheuse. Ce n'est pas un travail militant ici, c'est une recherche de psychologie sociale et cognitive. Elle a été menée sur 10 instituts du CNRS et a suivi pendant 2 ans 40 jurys responsables des nominations aux postes prestigieux. Pour la première fois, on montre que les stéréotypes implicites existent chez les scientifiques eux-mêmes. Comment ? Grâce à la méthode du test des associations implicites. Notre mémoire à long terme et notre mémoire sémantique créent et stockent des associations automatiques. Par exemple, Nicolas, si je vous dis un mot et que je vous demande de me dire le plus rapidement possible celui qui vous vient à l'esprit, si je vous dis par exemple « ciel », bleu. Oui, voilà. Mais une banalité confondante. Non, c'est normal. Le premier résultat de cette étude, c'est de montrer que la sous-représentation des femmes en science est telle que dans la mémoire sémantique, le mot science est associé au mot masculin. Et deuxième point, plus les jurys nient ou minimisent l'existence de ce biais, plus les discriminations sont fortes. Isabelle Régnier, professeure au laboratoire de psychologie cognitive d'Aix-Marseille Université, elle est la co-auteure de cette étude. D'abord, c'est vrai que cette étude, elle montre quand même deux choses. C'est la première fois que l'on montre que le stéréotype implicite existe chez les scientifiques eux-mêmes. Deuxième résultat, ce stéréotype implicite impacte la décision des décideurs, mais uniquement dans les jurys qui, en effet, considèrent que la discrimination de genre, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que c'est pas seulement que c'est pas un problème, mais que ça n'existe pas. Tout à fait. C'est-à-dire que les jurys qui considèrent que les barrières que peuvent rencontrer les femmes au moment de la promotion, au moment des recrutements à des positions importantes, eh bien, les jurys qui reconnaissent que finalement, ces barrières-là n'existent pas vraiment, ce sont ces jurys-là qui sont influencés par les stéréotypes implicites. Plus les stéréotypes sont élevés, les stéréotypes implicites, moins ils promeuvent de femmes. pays. Alors c'est vrai qu'il y a ce résultat qui peut paraître négatif, parce que dans les faits, en effet, il y a un jury sur deux qui ne reconnaît pas la discrimination que peuvent subir les femmes en sciences, et qui, dans le même temps, au plus leur stéréotypie implicite est élevée, au moins ils vont promouvoir de femmes. Donc ça, c'est l'aspect négatif des résultats. Mais ça veut dire que finalement, dans nos résultats, on a la solution aussi. Éduquer les jurys, leur expliquer comment fonctionnent les biais, que ces biais qui sont automatiques en mémoire et qui donc peuvent nous influencer à notre insu, prendre conscience de cela, savoir comment cela fonctionne, peut nous aider à résister à cette influence négative. Ça, c'est un résultat positif. Et on passe au bref de science. Fedor, le robot androïde russe, est à bord de la Station Spatiale Internationale. Une image réussie ce matin du vaisseau Soyouz avec Fedor, le premier robot humanoïde et à taille humaine de Roscosmos. C'était également le premier vol inhabité de la navette taxi de Soyouz. Suite au couac de l'an passé, l'agence russe teste de nouveaux systèmes d'urgence. Fedor, lui, a pour mission d'apprendre à assister les astronautes de la station spatiale. Dans Physical Review Letters, des physiciens irlandais viennent de créer le plus petit moteur thermique au monde. C'est un moteur à échelle nanométrique, il est 10 milliards de fois plus petit qu'un moteur de voiture. Il n'est constitué que d'un seul atome, un ion de calcium 40, jusqu'à présent, en thermodynamique des systèmes physiques microscopiques. En thermodynamique des systèmes physiques microscopiques, j'arriverai pas à le dire. Le plus petit moteur était constitué de deux atomes. Le but à terme, c'est d'intégrer ces dispositifs à d'autres technologies pour améliorer leur efficacité énergétique. Et pour finir, avoir un chien, ce serait bon pour la santé cardiaque. C'est la conclusion d'une étude épidémiologique. Depuis 2013, des chercheurs tchèques suivent plus de 1700 personnes de 25 à 65 ans. Ils ont comparé la santé de ceux qui avaient un chien et de ceux qui n'en avaient pas. Quel que soit l'âge, le sexe et l'âge du patient, les propriétaires de Toutou ont moins d'AVC et une meilleure santé cardiaque. Une des explications, avoir un chien rend plus actif et implique plus d'activité physique. Cela améliore aussi la santé mentale et prémunit de l'isolement social, deux facteurs de risque d'attaque cardiaque. L'étude incite même à adopter un animal de compagnie pour préserver sa santé. C'était le journal des sciences macroscopiques de Natacha Triou. On vous retrouve demain, Natacha, le journal des sciences. Vous pouvez le retrouver, bien sûr, en podcast tous les jours et en avant-première chaque jour avant l'émission sur le site franceculture.fr. Au commencement, il y a donc la relativité générale d'Einstein en 1915 et des solutions à certaines de ces équations trouvées par Karl Schwarzschild qui définissent un rayon, qui définit d'ailleurs lui-même l'horizon d'un objet dont la masse serait telle que la vitesse de libération serait plus grande que celle de la lumière. Se dessinaient les contours d'un objet hypothétique, alors d'abord appelé collapse gravitationnel, avant d'acquérir le nom plus marquant, plus populaire de trou noir. Puis vinrent les premières preuves indirectes, par effet de lentilles gravitationnelles ou par émission de rayonnement X par exemple, et puis l'an dernier. Now we have to start with the session. We are looking into space. À présent, démarrons la session. Nous regardons dans l'espace en direction d'une galaxie. Une galaxie géante, à 500 milliards de milliards d'années-lumière de nous. Pardon, à 500 milliards de milliards de kilomètres de nous. Une très grande galaxie dont on supposait qu'elle abritait un trou noir supermassif en son centre. Il y a 101 ans, quelqu'un a découvert un jet de lumière qui est du plasma expulsé à partir du centre de la Voie lactée et marquant la présence des trous noirs supermassifs. Je n'ai jamais cru que ce trou noir était aussi gros que les gens le disaient, jusqu'à ce que nous voyions ça. Voilà le noyau de la galaxie M87, et voilà la première image d'un trou noir. Et voilà, plus d'un siècle donc après la formulation de la relativité générale, l'observation directe du disque d'accrétion d'un trou noir supermassif par l'Event Horizon Telescope, ou comment un concept strictement théorique est devenu 100 ans plus tard un objet cosmologique réel. Du destin théorique à l'observation, est-ce que c'est aussi aujourd'hui ce qui guette les trous blancs, Carlo Rovelli ? Oui, l'histoire surprenante des trous noirs, c'est que au début, c'était si difficile de croire que des objets comme ça existaient. Moi, je me rappelle quand j'ai étudié les trous noirs à l'université dans les années 70, mon texte qui était écrit par un prix Nobel, Weinberg, Steven Weinberg, parlait de façon très correcte, évidemment, de toute la mathématique de ce qu'on appelle le trou noir, et disait, finalement, c'est difficile de penser que des objets comme ça existent réellement monde à l'univers. Ça, c'était dans les années 70 quand j'étudiais. Et déjà, il y avait les premiers indices, et finalement, on les voit. Les trous blancs, c'est une situation très, très similaire. Ce sont des solutions des équations d'Einstein. Ce sont donc des possibilités prévues par la théorie, mais ils demandent des situations physiques très particulières. Et on se demande encore s'il y a des objets comme ça aujourd'hui. La différence cruciale, c'est que aujourd'hui, on ne connaît pas comment un trou noir va mourir. Et on ne connaît pas comment un trou blanc peut être formé, la naissance d'un trou blanc. Et dans les deux cas, il y a la mécanique quantique qui entre en jeu. Et donc, la relativité générale toute seule n'est pas suffisante, parce qu'on sait que la relativité générale est une théorie absolument formidable, qui n'a fait que de fonctionner depuis 100 ans, qui nous a donné des merveilles de prédictions toutes vérifiées, mais nous savons qu'elle a des limites, et ces limites, c'est le fait que nous ne sommes pas capables, de façon convaincante, de savoir ce qui se passe là où la mécanique quantique vienne avoir un effet sur le champ gravitationnel. Donc là où il y a un problème de relativité et de mécanique quantique, c'est-à-dire de gravité quantique. On va évidemment expliquer tout au long de cette heure exactement ce que sont ces objets, pour le moment strictement théoriques, que les trous blancs. Mais Éric Gourgouillon, alors c'est toujours très délicat de demander à un physicien de faire des prédictions, et je ne vais pas le faire, mais tout de même, est-ce qu'on peut comparer ce passage de la théorie à l'observation pour les trous noirs à ce que seraient aujourd'hui éventuellement les trous blancs, sans aucune forme de certitude, mais est-ce que ça vous semble cohérent ? Oui, enfin... Il y a certains modèles, effectivement, qui prédisent que, notamment le modèle de Carlo Rovelli, que le trou noir termine sa vie en donnant naissance à un trou blanc. Ça, c'est quelque chose d'assez bien posé d'un point de vue théorique. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le trou noir, dont vous avez parlé de cette observation exceptionnelle de l'Event Horizon Telescope annoncée en avril dernier. Donc, on a beaucoup de preuves observationnelles. Il y a d'autres preuves, peut-être un peu moins directes, mais il y en a beaucoup. Aujourd'hui, le trou noir est un objet astrophysique lambda, on va dire, comme une planète, une galaxie, une étoile. Alors que le trou blanc, pour l'instant, reste hypothétique d'un point de vue observationnel. Par contre, d'un point de vue théorique, c'est un objet qui a un statut bien posé. C'est une partie des solutions des équations d'Einstein. Donc là, de ce point de vue-là, il a autant de droits d'existence qu'un trou noir sur le plan théorique. Ça, vous me rappelez que cette image du trou noir, c'était au mois de Réville, je le disais l'an dernier, parce que pour moi, c'était l'an dernier, c'était la saison dernière, tout à fait cette année, effectivement. Alors, on va prendre le temps de comprendre exactement ce que seraient ces trous blancs, mais comme il s'agit d'une sorte, je le disais dans l'introduction, de contraire, d'opposé, sur un peu le yang du yin du trou noir, peut-être faut-il se rafraîchir un peu la mémoire sur les éléments que l'on a besoin de comprendre du trou noir pour comprendre comment ce trou noir pourrait se transformer, pourrait donner naissance à un trou blanc. Éric Gourgouillon, quelles sont les théories les items qu'il faut maîtriser? Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la notion de trou blanc, le concept théorique de trou blanc, est apparu dans l'étude des trous noirs, c'est-à-dire l'étude théorique des trous noirs, bien avant leur détection. En fait, donc, comme vous l'avez rappelé au tout début, le trou noir a été introduit très tôt, la métrique qui décrit le trou noir plus précisément a été introduite très tôt par Karl Schwarzschild comme solution des équations d'Einstein. Schwarzschild ne pensait pas du tout découvrir, enfin il ne savait peut-être même pas ce que c'était qu'un trou noir, ce n'était pas le but de sa recherche. Sa recherche c'était d'avoir le champ gravitationnel d'une masse ponctuelle, ce qui était assez naturel à l'époque, la chose la plus simple à faire. Et il a trouvé cette solution quelques semaines après la publication par Einstein des équations de la relativité générale. Et il a fallu plusieurs dizaines d'années, en fait, pour que les gens explorent d'un point de vue mathématique cette solution et arrivent à la comprendre. Et petit à petit, c'est dégagé le concept de trou noir, avec notamment cette notion d'horizon des événements, ce qui définit vraiment le trou noir, c'est-à-dire cette séparation, cette frontière immatérielle entre un intérieur et un extérieur, et rien ne peut sortir, ne peut aller de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça la définition première du trou noir. Et ça a mis comme je disais, des années avant d'être compris. Là-dessus, on peut citer Alexander Anderson en 1920, qui a le premier réalisé que ce qui se trouvait en deçà du ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild ne peut communiquer avec l'extérieur. Et ensuite, dans les années 30, au début des années 30, il y a Georges Lemaître en Belgique qui a montré, parce qu'à l'époque, dans la solution de Schwarzschild, apparaissaient deux singularités. C'était deux endroits dans l'espace-temps plus précisément, où la métrique diverge. Il y a des quantités quand on écrit la métrique et la représentation géométrique, disons, qui décrit la représentation géométrique de l'espace-temps, des quantités tendent vers l'infini. Et Georges Lemaître a été le premier à comprendre en 1930 que l'une de ces divergences, c'est une divergence fictive, c'est pas quelque chose de physique, c'est ce qu'on appelle une singularité de coordonnées. C'est-à-dire qu'on n'avait pas choisi les bonnes coordonnées pour décrire l'espace-temps à cet endroit. Et c'est cette singularité qui apparaît au niveau du rayon de Schwarzschild. Et donc, il a été le premier à montrer qu'on peut tout à fait traverser ce rayon de Schwarzschild dans un sens, en allant vers l'intérieur du trou noir, sans que rien de particulier se passe au niveau de la structure de l'espace-temps. Par contre, l'autre singularité, là, c'est la vraie singularité. Celle qui est au centre du trou noir, la singularité gravitationnelle. Et elle se traduit dans le cadre de la relativité générale par une divergence de la courbure de l'espace-temps, c'est-à-dire la courbure tend vers l'infini. Donc ça pointe en fait une limitation de la relativité générale. C'est pour cela qu'il faut recourir à la mécanique quantique pour aller au-delà pour essayer de bien comprendre cette singularité. Carlo Rovelli, pour parler un peu justement de ce dont il faut, des éléments qu'il faut maîtriser pour comprendre la notion de troublant, hein, je précise évidemment que vous avez écrit un papier pour la science de l'édition du mois d'août, hein, qui s'appelle « Après les trous noirs, la chasse aux troublants ». D'ailleurs, maintenant, pourquoi ce grand papier maintenant ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur en particulier ? Oui. L'élément déclencheur, c'est pas seulement un, c'est un certain nombre d'articles qui sont apparus dans les dernières 3-4 ans, qui rendent plausible ce modèle. Donc Eric a fait mention qu'un trou noir puisse sauter et devenir un trou blanc, donc qui donne une possibilité physique de naissance de trou blanc. Mais comme vous dites, faisons un pas en arrière. Qu'est-ce que c'est un trou blanc et dans quel sens, vous avez dit, c'est le contraire, l'opposé d'un trou noir? Dans un sens assez simple, c'est l'inverse temporel. C'est-à-dire, si je prends un film de quelque chose et je vais projeter le film au contraire, à l'arrière, je le vois inversé temporellement. Donc un trou blanc, c'est un trou noir filmé et projeté à l'envers dans le temps. Donc si on peut imaginer par exemple une étoile qui effondre sur elle-même et tirée par la gravité et qui rentre dans son horizon et que devient un trou noir, et si j'imagine tout ça filmé et projeté au contraire, ce que je veux voir, c'est un horizon duquel, à un certain moment, une étoile va exploser. Et cette possibilité est prévue par la relativité générale, parce que, pour une raison très simple, parce que la relativité générale, en soi, ne fait pas distinction entre le futur et le passé. Ce que peut se passer dans une direction peut se passer dans l'autre direction. Et on peut le voir facilement, même dans notre expérience, parce que si je laisse tomber un ballon, vers la Terre, il va rebondir et remonter. Et si je prends un film du moment, de la période dans laquelle elle tombe, et je le projette à l'incontraire, au contraire, je vois le ballon qui va vers le haut. Donc finalement, on voit que ce qui est possible, ce que peut se passer dans une direction du temps peut se passer aussi dans l'autre direction du temps, pour ceux qui regardent la gravité, comment les choses tombent. Voilà. Donc finalement, un trou blanc, c'est un trou noir qui va en arrière, qui explose au lieu de se comprimer, au lieu de s'effondrer. Éric Gourion. Oui, pour compléter ce que dit Carlo, donc en disant qu'un trou blanc est assez naturel en relativité, puisque la relativité est invariante, les équations sont invariantes par changement de direction du temps, on peut souligner qu'effectivement, le trou noir est apparu. Le trou blanc est apparu en étudiant finement la métrique de Schwarzschild, la métrique de trou noir. Ça, c'est le physicien irlandais John Synge en 1950. Il s'est aperçu que dans la solution de Schwarzschild, la solution donc, qui décrit l'espace-temps d'un trou noir, cette solution était incomplète. C'est-à-dire qu'on pouvait étendre l'espace courbe, qui décrit l'espace-temps, on peut l'étendre parce que on a l'impression, si on ne le fait pas, qu'il y a une frontière artificielle, c'est-à-dire qu'il y a des trajectoires de photons, si on les remonte vers le passé, qui s'arrêtent à un endroit, sans aucune raison. Il n'y a pas de singularité, par exemple, d'espace-temps à cet endroit. Donc il n'y a pas de raison de terminer l'espace-temps là. Et donc, par une construction mathématique, il a étendu ce qu'on appelle la variété d'espace-temps, c'est-à-dire l'espace courbe. Il a étendu une région plus grande qu'on appelle depuis l'extension maximale de la solution de Schwarzschild. Et dans cette partie étendue se trouve une région de trou blanc, c'est-à-dire une région qui est séparée du reste de l'univers par un horizon, sauf que cette fois-ci, cet horizon, on ne peut le franchir que de l'intérieur vers l'extérieur. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons de trous blancs tout au long de cette heure, de cette inverse des trous noirs, de cet astre duquel il serait impossible, dans lequel aucune information, aucune matière ne pourrait rentrer, mais ne ferait évidemment que l'inverse du trou noir, c'est-à-dire qu'il ne ferait qu'en émettre. Nous en parlons avec Carlo Rovelli, qui est avec nous en duplex depuis Lisbonne, et avec Éric Gourgouillon, ici avec nous à la Maison de la Radio à Paris. Alors, on a entendu, hein, vous disiez à l'instant, Carlo Rovelli, et Éric Gourgouillon d'ailleurs, vous le disiez tous les deux, que les trous blancs seraient en quelque sorte le devenir du trou noir. Un trou noir se transformerait en trou blanc. Mais pour bien comprendre ça, Carlo Rovelli, ça veut dire que un trou noir, ça a une durée de vie limitée. Comment est-ce qu'un objet qui ne fait que absorber de la matière peut avoir une durée de vie limitée? Alors, c'est là que la mécanique quantique rentre. Elle rentre dans deux façons. C'est-à-dire, si on néglige la mécanique quantique et on ne regarde que la relativité générale, les équations d'Einstein, la prédiction est très claire. Un trou noir est pour toujours. Il n'y a rien qui peut le faire changer, le faire mourir. Une fois que c'est formé, l'horizon reste pour toujours. Et finalement, l'expression « horizon d'événement » ça fait référence à ça. Ça arrive jusqu'à l'infini, jusqu'à l'infini futur. Mais ça, c'est la réalité générale sans la mécanique quantique. Et la mécanique quantique nous dit deux choses. Une qui est assez claire, je dirais, même si ça n'a pas été mesuré, vérifié, mais il y a un consensus sur ça. Et l'autre qui est plus hypothétique. Alors, la première chose qui nous dit la mécanique quantique, c'est un résultat qui a rendu célèbre Stephen Hawking dans les années 70. C'est 74, merci Eric. Il a montré que la matière, les champs de matière à l'extérieur d'un trou noir, de façon naturelle, à cause de la gravité, produisent un rayonnement qui fait que pratiquement le trou noir est chaud. Et c'est comme s'il émettait, le trou noir émet une radiation, qui aujourd'hui est appelée la radiation de Hawking, qui est thermique, qui a une certaine température. Alors, l'effet de cette radiation sur la gravité elle-même, attention, c'est une radiation d'origine quantique, donc elle a des effets différents de ce qu'on s'attend de monde où il n'y aurait pas la mécanique quantique. Cet effet fait diminuer la taille du trou noir. On dit que le trou noir évapore. Donc, c'est très crédible. Il y a un consensus sur ça. Mais attention, ça n'a jamais été mesuré. Qu'un trou noir réel, avec le temps, à cause de cette radiation de Hawking, devient plus petit, plus petit, plus petit, plus petit. Et finalement, va devenir très petit à un certain moment. Et là, quand il devient très petit, encore une fois, la mécanique quantique rentre. Et ça, c'est le deuxième rôle de la mécanique quantique. Et elle rentre avec une certaine certitude. Elle rentre quand le trou noir est très, très petit. Et elle rentre, elle a un effet au centre du trou noir. C'est les deux cas où la relativité générale ne fonctionne plus. Donc là, pour avoir une idée de ce qui se passe, il faut avoir une théorie quantique de la gravité. Et on a des théories hypothétiques, comme la théorie des boucles, il y en a d'autres, la théorie des cordes, mais on n'a pas un consensus, on n'a pas des certitudes, même théoriques, sur ce que va se passer là. Mais attention, tout ça nous dit que les trous noirs n'ont pas une vie infinie. Une fois qu'il y a la mécanique quantique, quelque chose va se passer. Il évapore, il devient plus petit, et après quelque chose se passe, quelque chose de quantique. Et c'est là la possibilité que il puisse se transformer par effet quantique en trou blanc. Alors justement, vous allez nous expliquer ce que vous décrivez dans cet article publié dans le numéro d'août de Pour la Science, parce que justement, ce qu'implique votre théorie, la théorie sur laquelle vous travaillez, Carlo Rovelli, la gravitation quantique à boucle, c'est que, justement, au niveau de la quantification de la gravité, la gravitation quantique à boucle fait que, la singularité que nous évoquions tout à l'heure, la singularité gravitationnelle qui est au centre du trou noir et qui est décrite par les équations de Schwarzschild, elle ne tend pas vers l'infini. Elle a une limite. C'est là que tout change et c'est là qu'il peut se produire un rebond. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? C'est ça, c'est exactement ça. Alors d'abord, la gravité quantique à boucle montre que cela se passe. Donc si la gravité quantique à boucle est correcte, cela doit se passer. Mais je ne pense pas que ce soit une prédiction spécifique de la gravité quantique à boucle. Je pense que toute théorie de gravité quantique, s'il était suffisamment développé, si on était capable de faire le calcul, je m'attends que ça donnerait un résultat de ce genre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que si on imagine de tomber dans le trou noir, on passe l'horizon, on rentre, alors là, tout est classique encore, et on va vers une région de courbure très forte, très grande. Quand cette courbure devient assez grande, on dit planckienne, donc quand cette courbure devient tellement forte que les effets quantiques deviennent importants, ces effets quantiques vont arrêter la croissance de la courbure et donc empêcher d'arriver à l'infini. C'est pas une chose inattendue, parce que finalement c'est une chose que la mécanique quantique fait souvent. L'exemple le plus célèbre, c'est la stabilité des atomes. Si j'ai un électron et j'utilise les équations classiques et je le fais tomber vers le noyau d'un atome, ce qui se passe, c'est que l'électron tombe dans le noyau et son énergie devient infinie, il arrive au centre. Mais nous savons très bien que cela ne se passe pas. Et c'est la mécanique quantique qui empêche ça, parce que la mécanique quantique empêche dans un certain sens à l'électron de tomber, de se concentrer dans le centre. Il lui donne une taille minimale de la région dans laquelle il peut être. Et donc, l'atome est stable. L'électron se met autour du noyau avec une certaine dimension, une certaine taille, qui est déterminée par la mécanique quantique. Donc, il y a la constante de Planck, la constante qui caractérise la mécanique quantique. Alors, on s'attend à quelque chose de similaire. En tombant au centre du trou noir, on n'arrive pas à l'infini parce que la mécanique quantique intervient et limite la courbure. Et ça c'est une image un peu intuitive que j'ai donnée, mais ça c'est exactement le résultat du calcul qu'on fait en gravité quantique à boucle, évidemment avec des modèles simplifiés. Mais on a fait plusieurs calculs, donc on a assez de confiance que ça c'est la prédiction de la mécanique de la gravité quantique à boucle. Alors qu'est-ce qui se passe après ? C'est-à-dire que si j'essaie de redire les choses un peu différemment, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, effectivement, quand on dépasse l'échelle de Planck, c'est-à-dire qu'on est, je parle sous votre contrôle, à 10-35 mètres, on arrive en fait finalement à une étoile, donc à cette singularité se transforme en étoile de Planck, donc se transforme et se comporte quasiment comme une particule. Oui, la notion d'étoile de Planck, c'est exactement ça. C'est la région où, si on pense à la matière qui tombe, c'est l'étoile va s'effondrer jusqu'à avoir une taille très petite. Alors, pour préciser, c'est pas exactement la taille de l'étoile qui est planckienne, 10-33. C'est la densité. C'est la densité, voilà. Donc une étoile de Planck peut être plus grande que planckienne, mais elle a une densité qui a cette échelle-là. À ce point-là, on l'appelle l'étoile de Planck. La seule chose qu'elle peut faire, c'est de rebondir. Rebondir et transformer par effet quantique toute la métrique autour de elle, parce que c'est la géométrie même de l'espace qui fait une transition quantique, comme les sauts quantiques célèbres, et d'un coup se trouve dans une situation de troublant. Donc ça commence à faire le contraire de l'effondrement, c'est-à-dire exploser. Ce qui est intéressant, c'est que donc, à partir de ce moment, il y a une sorte de conversion, c'est-à-dire que le phénomène se passe dans le sens inverse. Le trou noir se met non plus à avaler, intégrer de la matière et de l'information, mais se met à nouveau à en éjecter. Il faut peut-être aussi se dire que il y a là, dans ce phénomène que vous décrivez, pour bien comprendre, tout ça se passe à l'échelle de l'observateur sur des temporalités extraordinairement longue, hein, puisque si on parle du rayonnement de Hawking, on parle d'un rayonnement, c'est d'évaporation à l'échelle de plusieurs fois l'âge de l'univers, mais évidemment tout ça étant modifié par la puissance de l'attraction gravitationnelle, à l'intérieur du trou noir, ça se passe à des échelles extrêmement rapides. Oui, alors là justement on peut peut-être préciser au niveau du rayonnement de Hawking que pour les trous noirs dits astrophysiques, c'est-à-dire les trous noirs de masse stellaire, les restes d'étoiles massives, ou les trous noirs supermassifs, dont celui dont on a obtenu une image à M87 qui fait 6 milliards de masse solaire. Pour ces trous noirs-là, l'évaporation par rayonnement de Hawking est extrêmement lente, c'est-à-dire c'est plusieurs milliards de fois l'âge de l'univers. Donc dans la pratique, ces trous noirs-là ne vont pas s'évaporer, on ne va jamais les voir s'évaporer par rayonnement de Hawking. Par contre, pour les petits trous noirs, là, des trous noirs qui auraient des masses beaucoup plus petites que la masse d'une planète ou même d'un astéroïde. Là, pour ces trous noirs-là, le rayonnement de Hawking peut jouer un rôle important et effectivement limiter la vie de ces trous noirs. On reviendra sur cette question de la taille de ces trous noirs dans un instant. J'aimerais qu'on continue tout de même à décrire un peu ce modèle de Carlo Rovelli. Vous nous direz, hein, Eric Gourgouillon, d'ailleurs, s'il existe d'autres modèles de trous blancs. Mais la question, du coup, Carlo Rovelli, derrière cela, peut-être un mot tout de même sur cette notion de relativité du temps, sur la rapidité du phénomène et sur sa lenteur à l'échelle de l'observateur. Oui, ça c'est l'aspect plus surprenant, plus troublant de tout le modèle. Vous l'avez déjà un peu dit, je peux le redire de façon un peu plus visible, comme ça. Imaginons le processus complet. Il y a une étoile ou quelque chose, peut-être dans l'univers primordial, qui s'effondre, forme un trou noir, et après un peu de temps, il y a ce rebondissement et ça devient un trou blanc. Et lentement, la matière va sortir du trou blanc. Alors, la question surprenante est la suivante. Si on met tout ça dans des équations et on calcule le temps pour que cela se passe, c'est la question évidente. Combien de temps va prendre ce processus? On a deux réponses différentes. Une réponse différente, c'est si on regarde ça de l'extérieur. Donc, moi, je vois d'une certaine distance l'étoile s'effondrer et après un peu de temps sortir du trou blanc. Et une autre temps différent, c'est ce que je pourrais voir si je vais à l'intérieur. Si je tombe dedans, je tombe avec l'étoile et je sors. Alors la chose étonnante, c'est que ces deux temps peuvent être énormément différentes. Et on sait que les temps peuvent être différents, parce que ça c'est la relativité générale. Ça nous dit que le temps dans une montagne est un peu plus long que le temps à côté de la mer, même sur la Terre. Mais ici c'est question de différences très petites sur la Terre. Par contre là les différences sont énormes, et on peut dire que dans une situation réaliste, le temps vu de l'extérieur de ce processus, c'est l'âge de l'univers. Le temps vu de l'intérieur, c'est quelques fractions de seconde, très petit. Donc finalement, c'est comme, si le modèle est correct, c'est comme si ce que nous voyons comme trous noirs sont des étoiles ou de la matière qui s'effondrent, rebondissent et sautent et explosent très vite. Mais à cause du ralentissement du temps de la réalité générale, on le voit énormément au ralentissement. Donc on le voit durer des milliards d'années. Ce trou blanc in fine, donc il expulse de la matière, il peut exploser aussi, on y reviendra tout à l'heure, mais est-ce qu'il peut devenir stable? Est-ce qu'il s'inscrit dans la même durée que ce que le trou noir précédent a vécu? Oui. Un trou blanc n'est pas stable dans le même sens d'un trou noir, c'est-à-dire il a une vie limitée, à un certain moment il va exploser. Mais sa durée de vie peut être très longue. Et dans les modèles les plus raisonnables, ce que nous semble plus raisonnable, plus plausible, on s'entend que la durée de vie du trou blanc soit très très longue. Et la raison, c'est qu'il doit avoir le temps d'émettre toute l'information qui est dedans. Nous ne devons pas parler de l'information qui tombe et qui va ressortir. On va en donc parler. Ça limite, ça donne une borne inférieure à la durée de vie du trou blanc, qui donc peut être très très longue. Et c'est cela qui le rend un candidat intéressant pour être peut-être une des composantes de la matière noire. Et on en reparlera ça également dans quelques minutes. Éric Gourgouillon, ça c'est le modèle fondé sur les travaux et la théorie de Carlo Rovelli autour de la gravitation quantique à boucle. Je précise, Carlo Rovelli, que vous avez travaillé avec votre collègue à la Garte du Bard College aux États-Unis. Éric Gourgouillon, il y a d'autres modèles Oui. Je peux. Merci beaucoup pour dire le modèle de Carlo Rovelli, mais c'est pour beaucoup de gens qui ont travaillé. Bien sûr. Dont vous êtes l'un des développeurs, l'un des instigateurs. Voilà. Évidemment. Donc, j'ai plusieurs collaborateurs. Évidemment. Aussi en France qui ont travaillé sur différents aspects de la chose. Et Gourgouillon, donc est-ce qu'il y a d'autres modèles de troublants qui ne font pas forcément appel justement à cette gravitation quantique à boucle? Oui, il y a eu d'autres modèles par le passé, hein, qui sont d'ailleurs aujourd'hui plus ou moins abandonnés, mais c'est peut-être intéressant d'en parler. Donc tout à l'heure, je mentionnais que le trou blanc est apparu d'abord du côté de la théorie avec les travaux de Singe quand il a essayé de prolonger la solution de Schwarzschild. Il a découvert cette zone où il existe un trou blanc. Et le premier qui a vraiment appliqué ça à l'astrophysique, c'est sans doute Igor Novikov en 1964 pour expliquer le rayonnement des quasars. Les quasars venaient juste d'être découverts, ils ont été découverts en 1960. Et donc ces astres très lumineux, très lointains, donc c'était une source d'énergie formidable pour qu'on puisse les voir à ces très grandes distances. Ils sont quasi stellaires, tout petits. Et donc c'était un problème à l'époque d'expliquer ce rayonnement. Et l'un des modèles avancés donc en 1964 par le physicien russe donc Igor Novikov, c'est de faire appel à un trou blanc. Hein, donc il a bien décrit cette solution avec cet horizon et cette matière qui sort du trou blanc. Aujourd'hui ce modèle est complètement abandonné. On a une autre explication pour les trous noirs qui fait appel au trou noir justement. Donc on sait qu'aujourd'hui au cœur des quasars se trouve un trou noir supermassif de plusieurs milliards de masses solaires entouré d'un disque d'accrétion, et c'est la libération de l'énergie potentielle gravitationnelle du disque d'accrétion qui explique la luminosité des quasars. Donc aujourd'hui, on a très d'explications. Mais bon, tout ça pour mentionner qu'effectivement, les trous blancs, on a fait appel aux trous blancs à plusieurs époques dans la littérature, et ça, c'est le premier exemple vraiment où on a mentionné les trous blancs. Mais tous ces modèles ont toujours été un peu abandonnés ou jamais confirmés par l'observation. Et on reparlera aussi justement de cette question de l'observation tout de suite dans la deuxième partie de l'émission. Stop the clock from running down. Keep the light from fading out. Nothing ever grows in the dark. You left me searching for a place to start, a place to start. I made my heart an open door. No matter what I gave, you wanted more. You took all of my time. Go through it all again. Space in Time de Thom Yorke, pas celui de Radiohead, un autre sur France Culture, puisque nous parlons d'espace-temps et précisément de déformation ou de ces objets limites qui sont pour le moment théoriques, peut-être un jour observés et observables. Nous parlons des troublants tout au long de cette heure en compagnie de Carlo Rovelli, qui est avec nous en duplex depuis Lisbonne, directeur du groupe de recherche en gravité quantique au Centre de physique théorique de Marseille-Lumini, et avec Éric Gourgouillon, ici avec nous à la Maison de la Radio à Paris, directeur de recherche CNRS au laboratoire Univers et Théorie de l'Observatoire de Paris et de l'Université Paris Sciences et Lettres. Alors en attendant d'avoir ces fameuses preuves observationnelles de l'existence des troublants, certains expérimentateurs travaillent à les recréer, non pas dans l'espace, mais dans l'eau, par le biais de l'hydrodynamique. Et c'est ce que vous êtes allé observer à Poitiers, dans un laboratoire du Futuroscope. Céline Lezen, bonjour. Bonjour Nicolas. Oui, grâce à l'hydrodynamique, il est possible de faire des analogies expérimentales avec les troublants. Ces expériences sont fondées sur la base d'analogies, bien sûr, mais permettent d'étudier directement ces phénomènes inaccessibles. Germain Rousseau, physicien au CNRS, m'a amené dans les sous-sols de son laboratoire où il monte avec son équipe des nouvelles installations pour modéliser des troublants hydrodynamiques. Ici, on est sur la technopole du Futuroscope, donc, qui est au nord de Poitiers, à Chassagne-du-Poitou, et on va rentrer dans l'Institut P', qui est le deuxième laboratoire de France en sciences de l'ingénieur. Et à l'intérieur de ce département, je travaille dans l'équipe hydrodynamique et éco environnementaux. Alors, c'est assez intéressant d'entrer dans un laboratoire d'hydrodynamique, alors que ici vous modélisez des trous noirs et des trous blancs de manière analogue. Donc, on va voir ce que ça veut dire. Ces concepts. Voilà, exactement. Alors, en hydrodynamique, c'est assez simple. Vous prenez un écoulement au-dessus d'un obstacle, par exemple, quand vous ouvrez votre robinet. Et vous avez un jet. Et ce jet, qu'est-ce qu'il fait? Il vient impacter l'évier, le fond de l'évier. Et qu'est-ce que vous voyez apparaître chaque fois que vous allez vous laver les mains? C'est un ressaut circulaire. Alors, quelle est la validité de cette analogie? Est-ce que les équations qui régissent les écoulements des fluides, la mécanique des fluides, peuvent s'apparenter à ceux qui régissent les phénomènes où la matière et l'énergie sont à des densités inouïes? Alors, c'est une bonne question, et alors la réponse est ça dépend de quoi on parle. Cette analogie, évidemment, n'est pas vraie au niveau de la dynamique. Parce que les équations qui décrivent l'écoulement des fluides, c'est ce qu'on appelle les équations de Navier-Stokes. Et ces équations de Navier-Stokes diffèrent des équations de la relativité générale, des équations d'Einstein de 1915. Donc évidemment, au niveau de la dynamique, l'analogie est brisée. En même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est que même si au niveau dynamique, elle n'est plus vraie, les équations dans les deux cas de figure sont néanmoins non linéaires. Donc ces équations non linéaires, on peut imaginer qu'elles ont des grandes classes de phénomènes, des grandes classes de solutions, même si ça va différer. On peut imaginer qu'on a des grandes classes de phénomènes, et donc ça peut comme nous donner des idées qu'on peut essayer ensuite de transposer vers l'astrophysique, qui nous intéresse ici à Poitiers. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place le système d'excitation des vagues, donc le batteur. Donc c'est un moteur linéaire qui est relié à une forme en forme de coin. Et donc ce coin qui intercepte la surface libre, eh bien, déplace un certain volume d'eau. Et ce volume d'eau, ensuite, génère une onde qui est propagée. Donc je vais mettre en route le moteur linéaire. Et je mets en route. Donc qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des vagues sinusoïdales, planes, voilà, qui arrivent et qui viennent intercepter le ressaut circulaire. Et si, je ne sais pas si vous voyez, elles se mettent à envelopper. L'onde incidente ne peut jamais franchir le... Premièrement, donc c'est bien un troublant. Et donc vous ne verrez pas les ondes pénétrer à l'intérieur du troublant analogue. Elles ne pénètrent pas donc, de manière directe, mais elles le contournent et elles s'enveloppent autour de ce troublant. Et donc l'idée ensuite, c'est d'essayer de regarder les phénomènes d'interférence des ondes, parce que ça va nous renseigner, par exemple, sur les caractéristiques de la fontaine blanche. Alors, pour faire la transposition avec les astrophysiciens, eux, ils ont une masse pour le trou noir ou pour le trou blanc. Nous, on a un débit. Mais plus je vais augmenter le débit, plus c'est comme si j'augmentais la masse du trou noir ou du trou blanc. D'accord ? Donc l'idée, c'est ça. Quels sont les autres phénomènes qu'on peut tester avec ce dispositif ? Quelque chose qui motive énormément les troupes, si je puis dire, en ce moment, c'est les effets temporels. La naissance et la mort de la fontaine blanche ou du trou noir. Donc les aspects temporels et dynamiques. Est-ce que ces phénomènes temporels corroborent avec les modèles théoriques Ça fait partie je dirais, des prédictions qui ont été faites par Hawking, à savoir dans la phase d'effondrement du trou noir. Donc on veut essayer de regarder donc ces espaces-temps effectifs dépendant du temps. Dans cette expérience, je vais remettre en route le... Donc là, Jean-Marc, qui est ingénieur qui travaille avec moi, va augmenter l'amplitude des vagues. Et regardez bien. Alors, Jean-Marc, on va arrêter le moteur. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... vous voyez, on a un certain débit. Donc, on a un certain rayon du ressaut ici qui fait quelques centimètres. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que si on diminue le débit... Dès qu'on diminue le débit, on voit bien que le cercle se resserre. Voilà, la masse du trou blanc diminue. Si vous regardez très attentivement, on peut voir apparaître ce qu'on appelle des ondes capillaires à l'intérieur. Ah oui, à l'intérieur, dans la zone voilà. Là, on les voit très bien. Il y a des rides circulaires voilà, qui sont... Voilà, tout à fait, qui sont aussi stationnaires, ils ne se propagent pas. Ça serait l'analogue de ce qu'appellerait Carlo Rovelli des effets de gravitation quantique. C'est-à-dire qu'on va aux échelles microscopiques. Alors nous, évidemment, je suis ici sur un flux classique. Il n'y a pas du tout de mécanique quantique dans mon expérience. Par contre, ce que j'ai, c'est que j'ai une microphysique. Donc cette microphysique associée aux effets de tension de surface, eh bien, elle va modifier la réponse dispersive du système. Et donc, la microstructure va se rappeler à nous. Et donc, c'est pour ça que vous voyez apparaître, ici à l'intérieur du ressaut, ces ondes stationnaires capillaires. Or, ces ressauts hydrauliques, c'est peut-être l'analogue de la singularité centrale du trou noir. Mais là... Attention aux analogies. L'analogie n'est pas identité. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir quand même une sorte de modèle, et sur ce modèle, un scénario possible pour ce que serait la singularité centrale du trou noir astrophysique. Voilà le reportage du jour de ce troublant hydrodynamique. Si vous voulez adjoindre l'image au son, eh bien, la vidéo de cette expérience a été filmée par Céline Lozen et nous venons de la poster sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc où vous pouvez évidemment continuer à nous écrire, à nous envoyer vos commentaires et vos remarques. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre à cette expérience, Eric Bourgouillon? Bah oui, c'est très intéressant d'avoir ces écoulements, bien comme on l'a souligné, effectivement, les équations sont quand même différentes. D'un côté, la relativité générale, de l'autre côté, l'hydrodynamique. Mais quand même, il y a des points communs. Ce sont des équations complexes. Donc, de les mettre en œuvre comme ça, expérimentalement, c'est extrêmement intéressant. Ça peut aussi donner des idées. C'est toujours bien d'avoir des analogies en physique, notamment en physique théorique. Si on se cantonne à un seul domaine et qu'on reste toujours dans ce domaine, on va avoir un esprit plutôt étroit, alors qu'un bon physicien se doit de connaître différents pans de la physique, l'hydrodynamique, la mécanique quantique, la relativité, et souvent dans son cheminement, eh bien de voir certains phénomènes dans un domaine peut donner des idées dans d'autres. Donc ces analogies sont très très fructueuses, je pense, pour la physique théorique. Carlo Rovelli. Oh oui, je suis d'accord complètement. Ces analogies sont très fructueuses. La physique fonctionne, la science fonctionne très souvent en passant d'un domaine à l'autre, des idées, des découvertes, des observations. Là, c'est un jeu très fascinant, ce qu'ils sont en train de faire dans le laboratoire, et très difficile parce que ce n'est pas souvent les simulations sont dans une situation où on pense de connaître les équations de base. Et le monde est complexe et on fait des simulations ou des calculs numériques ou des simulations en laboratoire avec des systèmes analogues pour chercher de voir qu'est-ce qui se passe dans une situation complexe dans laquelle on connaît les équations de base. Ici, attention, parce que sur le trou noir et les trous blancs, comme en jeu, c'est la gravité quantique, en réalité, nous ne sommes pas certains des équations fondamentales de base. Donc la situation théorique n'est pas... la situation typique en matière condensée où on pense de connaître les équations de base et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans une situation complexe. On a les deux difficultés, la non-linéarité, la complexité du phénomène en soi, et en plus le fait que nous ne sommes pas certains de quelles sont les équations fondamentales qui décrivent le monde. J'aimerais qu'on parle un peu justement des limites de ce modèle, déjà peut-être avec une question toute simple, puisqu'il a l'air établi, même s'il s'agit évidemment de modèles théoriques, que le trou blanc est quelque chose, comme vous le disiez tout à l'heure Eric Bourgouillon, d'assez communément admis dans la communauté physique théorique, pourquoi ne les a-t-on pas observés? Avant même de parler d'observation, il y a déjà le processus de formation, hein, comme le mentionnait Carlo tout à l'heure. Avant son modèle, il n'y avait pas beaucoup de processus de formation assez naturels. Par exemple, le modèle de Igor Novikov dont je parlais tout à l'heure, c'était un peu ad hoc. Il disait, tiens, peut-être c'est des troublants qui vont expliquer les quasars, mais comment sont formés ces troublants? Peut-être ils sont formés dans l'univers primordial, au moment de la singularité du Big Bang. Enfin, c'était très hypothétique. Il n'y avait rien d'échafaudé. Il n'en va pas de même avec les trous noirs. Pour les trous noirs, avant même de les observer, on a beaucoup de scénarios de formation. Enfin, on a un scénario principal, ce qui est l'effondrement gravitationnel du cœur d'une étoile en fin de vie. Et ça, c'est quelque chose qui a été bien élaboré par beaucoup de calculs. On sait qu'une étoile, au-delà d'une certaine masse, ne peut plus supporter la force de pression n'est pas suffisante dans le cœur de l'étoile lorsque les réactions nucléaires sont terminées, n'est pas suffisante pour supporter le poids de l'étoile, la masse de l'étoile. Donc l'étoile va s'effondrer. On peut faire les calculs et les calculs conduisent nécessairement à la formation d'un trou noir. Donc avant même qu'on découvre les trous noirs, on savait que sans doute ils existaient puisqu'il y avait ce processus assez naturel lorsque tout le combustible thermonucléaire est épuisé, voilà. Eh bien, il n'y a plus rien pour s'opposer à la gravitation. La gravitation va prendre le dessus et conduire à un trou noir. Et c'est dans un deuxième temps, ensuite, qu'on a observé les trous noirs dans l'univers. Pour les trous blancs, c'est pas du tout la même situation. On n'a pas de modèle classique, en tout cas, de formation. Il faut faire appel, effectivement, à la gravitation quantique. Ouais. Parce que ça pose aussi un problème qu'on a évoqué brièvement tout à l'heure, Carlo Rovelli, c'est celui de la taille des trous noirs qui pourraient donner naissance à des trous blancs. On parle de trous noirs d'une taille extrêmement modeste, qu'on n'a pas non plus observé, qu'on ne connaît pas en tant qu'objet cosmologique. On parle de 10 puissance 7 à 10 puissance 12 kilos, c'est-à-dire des objets extrêmement ténus à l'échelle cosmologique. Oui, là on rentre dans la question concrète. Est-ce qu'il peut y avoir des choses comme ça dans l'univers qu'on peut observer? Pas d'un milliard et milliard d'années dans le futur, mais là, maintenant. Et la réponse il y a un point assez convaincant là. S'il y a des choses comme ça de l'univers, ils doivent être formés, originés par des trous noirs primordiaux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand l'univers était très petit et chaud, donc au début de l'histoire de notre univers, il y a 14 milliards comme ça d'années, c'est très possible et c'est considéré comme une possibilité réelle que des trous noirs se soient formés avec des tailles différentes. Plus grands, plus petits, on ne sait pas, mais la possibilité de formation de trous noirs dans l'univers primordial est là. Alors, s'il y a des trous noirs de taille assez petite, formés dans l'univers primordial, ils ont eu le temps de s'évaporer, de se transformer en trou blanc, ou bien ils peuvent peut-être être en train de se transformer en trou blanc maintenant. Donc il y a toute une possible phénoménologie d'observation potentielle donnée par, non pas par les trous noirs formés par les étoiles qui s'effondrent maintenant où il y a quelques peu de temps, mais par le trou noir, les trous noirs primordiaux. Alors là, c'est surtout des physiciens français, en particulier Aurélien Barreau, qui a étudié beaucoup la phénoménologie possible de ces objets-là. Une possibilité sortie d'un papier avec Aurélien Barreau et Francesca Vidotto, ça a été, qui est en train d'être étudié, de les lier aux des phénomènes observés aujourd'hui et pas du tout clairs, qui sont les sursauts radio rapides, les fast radio bursts en anglais. Ce sont des signaux très très forts dans le radio, assez mystérieux et surprenants qu'on ne comprend pas d'où ils viennent. Alors il y a plusieurs hypothèses sur leur origine. Une possibilité, c'est de penser que ce sont des trous noirs primordiaux. Dans le moment où ils deviennent des trous blancs, ils explosent et il y a une émission de matière et c'est ça qu'on voit. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité que j'aime beaucoup, et à laquelle, sur laquelle je suis en train de travailler beaucoup, c'est que ces trous noirs qui deviennent des trous blancs à la fin de l'évaporation de Hawking, donc quand ils sont très petits, ils vont rester des objets très petits du point de vue astrophysique, très grands du point de vue de particules. Donc on parle d'objets de la masse de Planck, ça veut dire quelques micrograms, le poids de chevaux humaines. Et une possibilité concrète est que dans l'univers, il y a beaucoup de ces petits trous blancs qui restent là. On les appelle remnants, en anglais, je ne sais pas en français comment on dit. Des remnants. Des restes. Et ce sont comme des parties de la poussière. Et ça pourrait être un composant de la matière noire. Alors là aussi, c'est une ancienne idée. C'est une idée qui, déjà dans les années 80, a été suggéré par Aronoff et ses collaborateurs, pour McGibbons, qu'il y aille des particules de cette masse-là qui remplissent l'univers et qui font la matière noire. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a un modèle théorique concret derrière, maintenant, cohérent avec la relativité générale et avec une composante de transformation quantique qui transforme le trou noir en trou blanc, qui les rend plausibles. Mmh. Alors ça, c'est une autre possibilité. Mmh. Il y en a d'autres, il y a toute une phénoménologie, rien n'a encore été observé, établi, mais c'est dans les, comment je peux dire, dans les programmes d'observation de plusieurs télescopes, dans le radio ou dans le gamma, dans la haute fréquence, de voir des effets de l'existence de ces trous blancs. Mais alors justement, pour conclure, précisément, qu'est-ce qu'il faudrait observer pour réussir à confirmer ou infirmer? Qu'est-ce qu'on cherche dans ces gammes d'ondes radio, que ce soit les sursauts radio rapides ou les ondes gamma, qui pourraient bien justement valider de manière observationnelle cette théorie? Carlo Rovelli et Éric Gourgouillon, pour finir. Une possibilité très concrète de voir ce qu'on appelle un smoking gun, un prouve convaincant c'est ça et pas d'autre. Un pistolet qui fume, voilà, qui a été suggéré finalement par William Barrow. C'est le fait qu'il y aurait, si c'est vraiment des trous blancs, il y aurait une relation entre leur distance et la longueur d'onde observée qui n'est pas celle typique de tous les autres objets cosmologique, les objets qu'on voit dans le ciel. Alors, on n'a pas peut-être le temps de donner une explication de comment ça se passe, mais à cause du fait qu'il y a ces jeux de temps dus au fait qu'ils sont des objets primordiaux qui ont dû se transformer en trous blancs, etc., les trous blancs qui vont exploser plus longtemps vont être plus petites. Et donc, on devrait observer dans la statistique de ces objets observés une relation entre distance et fréquence anormale, pas normale, particulière, qui pourrait indiquer que c'est ça. C'est un domaine complètement ouvert sur lequel il y a beaucoup de travaux qui sont en train de se faire et tout à faire, tout à découvrir. Éric Gourgouillon. Oui, effectivement, c'est intéressant d'avoir cette prédiction assez, assez précise, effectivement, de l'aspect troublant comme source des sursauts radio rapides, parce que dans le futur, il va y avoir beaucoup d'observations de ces sursauts. On les a découverts, c'est un phénomène assez récent, en fait, on les a découverts seulement en 2007, hein, donc on n'en connaît que 60 aujourd'hui, et il y a à peu près, je crois qu'on a recensé jusqu'à au moins 50 théories différentes pour les expliquer. Beaucoup font appel aux étoiles à neutrons, à la magnétosphère des étoiles à neutrons. Et dans le futur, on espère en observer beaucoup plus. Donc il y a des programmes sur des radiotélescopes qui vont être mis en place. Et quand on aura beaucoup de statistiques, là on va pouvoir distinguer entre les différents modèles. Et effectivement, quand si un modèle comme celui de Carlo Rovelli et de ses collaborateurs a des prédictions précises, là on pourra effectivement vraiment tester le modèle. Ça, c'est très intéressant. Eh bien, nous suivrons ça évidemment avec curiosité et avec passion. Je vous renvoie également à l'émission que nous avions consacrée justement à ces sursauts radio mystérieux et à ces différentes hypothèses pour les expliquer. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de ces troublants. Je vous renvoie au numéro du mois d'août. Il vous reste quelques jours pour le trouver en kiosque. 2 pour la science après les trous noirs, la chasse aux troublants. Merci beaucoup Carlo Rovelli. On peut citer, je le disais tout à l'heure, L'ordre du temps chez Flammarion, cette brève leçon de physique. C'est Odile Jacob, merci beaucoup Éric Gourgouillon d'être venu tous les deux. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Natacha Triou, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Aguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard, la réalisation, à Pierre Monteil, à la technique aujourd'hui. Demain, merci Carlo. Demain, nous reviendrons sur le phénomène climatique qui a marqué cet été, les vagues de chaleur. Est-ce un événement isolé? Sont-elles appelées à se multiplier, à s'intensifier dans les prochaines années? Eh bien, pour tout savoir, on en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.